Conte de fées en français. Qui est la vraie mère? L'histoire se déroule il y a très longtemps en Inde. Une jeune mère devait voyager avec son bébé jusqu'à un village lointain. Pour cela, il lui fallait traverser une belle forêt. La mère était heureuse car son fils semblait prendre plaisir à écouter chanter les oiseaux. Il riait en essayant de jouer avec les papillons qui virevoltaient autour de lui. Et il semblait adorer l'odeur des fleurs que sa mère lui mettait entre les mains. La mère marcha un long moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lac. L'eau du lac était un bleu étincelant. Elle avait l'air si bonne et si rafraîchissante que la mère décida de s'y baigner un peu. Laissant son bébé sur une touffe d'herbe moelleuse, elle entra dans l'eau et nagea un peu. Tandis que la maman se baignait, elle entendit un bruit. « Ça te dérange, ma chère, si je joue avec ton enfant jusqu'à ce que tu sortes de l'eau ?» La mère vit une autre jeune femme qui regardait tendrement son bébé. Elle sourit. « Bien sûr, tu peux jouer avec lui. » Oh, trop mignon! Bon bébé! Gentil bébé! Je suis là maintenant. Tu peux prendre ton temps et profiter de ta baignade. Tu sais, profite. En entendant son petit rire et jouer, la mère se sentit en confiance et décida de nager encore un peu plus longtemps. Pourquoi je ne les entends plus? Mon bébé! Attends! Où est-ce que tu l'emmènes? Attends! La mère sortit de l'eau en vitesse et courut après la femme. Quand elle arriva à elle... Attends un peu! Où est-ce que tu as emmené mon enfant? Ton enfant? C'est mon bébé! Maintenant, va-t'en d'ici! Comment oses-tu? Rends-moi mon enfant! Voleuse! Voleuse de bébé! Kidnappeur! Lâche mon enfant! Quelques personnes locales qui vivaient dans la forêt passèrent par là. Ils entendirent du raffut et accoururent. Que se passe-t-il? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Elle veut emmener mon bébé! S'il vous plaît, aidez-moi! Elle ment! Cet enfant est le mien! Elle essaye de me voler mon bébé! Je vous en prie, n'écoutez pas ces mensonges! S'il vous plaît, elle ment! Les gens se regardèrent entre eux un peu confus. Ils n'arrivaient pas à décider laquelle des deux femmes disait la vérité et laquelle leur mentait. Finalement, l'un d'eux se lança. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce problème. Nous allons vous conduire à notre chef. Pourquoi? Je vous ai dit que ce bébé était le mien, enfin! Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Vous êtes sûrement tous des voleurs de bébés, en fait! Aucun de nous n'est un voleur, mais il est très clair que l'une de vous l'est. Et en plus, dans notre forêt... Alors, on ne va pas pouvoir vous laisser partir tant que cette question n'est pas résolue. Maintenant, venez avec nous. Les gens emmenèrent les femmes sur les chemins tortueux de la forêt et arrivèrent ensuite à une grotte curieuse. Ils s'adressèrent aux gardes dans une langue étrange. Ils entrèrent dans la grotte très sombre. Ils ne pouvaient rien voir du tout, jusqu'à ce qu'à un moment, tel un fantôme apparut dans les ténèbres, ils virent le chef qui se tenait droit devant eux. Hur, Binaka, Kalichin, Balabakan. Ouka! Laquelle de vous deux est la mère? C'est moi! C'est moi! Shula! Voyez-vous, dans le monde de la jungle, c'est la puissance qui l'emporte. Le bébé est là. L'une de vous lui tiendra la tête, l'autre lui tiendra les jambes. Et toutes les deux, vous allez tirer sur le bébé. Nous verrons laquelle de vous est la plus puissante. » Les deux femmes s'agenouillèrent près du bébé. Le bébé regarda sa vraie mère et lui sourit. Il tendit les bras vers elle et entoura son doigt de ses mains. La mère pleura et caressa gentiment son enfant. Soudain, on entendit des sons de tambour. Que l'affrontement commence. Dès que la sorcière entendit cela, elle tira sur les jambes du bébé, vraiment fort, tandis que la vraie mère resta juste là à regarder son enfant avec tendresse. Se faisant tirer par les jambes, l'enfant se mit à pleurer. La vraie mère fut horrifiée. Stop, stop, j'abandonne. Je ne veux pas de ce combat. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai gagné. L'enfant est à moi. Rends cet enfant à sa vraie mère. Mais j'ai gagné. Non, pas du tout. Tu as seulement révélé que tu es une voleuse et que c'est elle la vraie mère de l'enfant. Mais ce n'est pas juste du tout. Dans la jungle, vous avez dit que la puissance l'emporterait et j'ai tiré l'enfant de toutes mes forces. Oui, j'ai bien dit que la puissance l'emporterait. Mais je voulais dire la puissance d'une mère. Elle était prête à abandonner son enfant juste pour s'assurer qu'on ne lui ferait pas de mal. Seule une vraie mère aurait pu faire un tel sacrifice. Voilà ton bébé, gente dame. Merci, merci mille fois. Maintenant je sais qui tu es. Si je te revois ne serait-ce qu'une seule fois dans ma forêt... Très bien, Vanrage, très bien. Un jour, je finirai par t'avoir. Un jour. Oui, un jour. Personne ne sait si la sorcière est revenue dans la forêt ou non. Mais il est clair que si elle y revenait, elle ne pourrait jamais l'emporter contre la puissance de l'amour entier, inconditionnel, d'une vraie mère. L'amour maternel.